TVA, cadeau pour parrainage. Une société ayant pour activité la vente à distance d'articles textiles a déduit la taxe ayant grevé l'achat de l'ensemble des articles promotionnels qu'elle remettait à ses clients sous la désignation commerciale de cadeau lorsqu'il lui présentait de nouveaux clients potentiels sous la forme d'un parrainage. À l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société, l'administration fiscale a refusé la déduction de la taxe ayant grevé l'achat de ces articles promotionnels. L'administration considérait que ces articles étaient acquis au parrain avant que les nouveaux clients présentés ne procèdent eux-mêmes à un achat. Et ce redressement a été annulé par le Conseil d'État, car dans un tel contexte, la fourniture par l'entreprise de cadeaux à un client qui lui présente une nouvelle clientèle potentielle constitue la contrepartie en nature d'une prestation de service de parrainage effectuée à son profit. Cette prestation étant totalement réalisée dès la présentation des nouveaux clients, le Conseil d'État a jugé que l'existence de la contrepartie et, partant, la déduction de la TVA ayant grevé l'achat de ces cadeaux, ne dépend pas du point de savoir si les articles promotionnels sont laissés au parrain alors même que les nouveaux clients n'ont finalement pas effectué d'achat.